Deuxième livre des Chroniques, chapitre 13. La 18e année du roi Jéroboam Abija commença à régner sur Juda. Et il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère avait nom Micaja, et elle était fille d'Uriel de Giba. Or il y eut guerre entre Abija et Jéroboam. Et Abija commença la bataille avec une armée composée de gens vaillants pour la guerre, ils étaient 400 000 hommes d'élite. Or Jéroboam avait rangé contre lui la bataille avec 800 000 hommes d'élite, forts et vaillants. Et Abija se tint debout sur la montagne de Tsemarajim, qui est dans les montagnes d'Ephraïm, et dit, « Jéroboam et tout Israël écoutez-moi. N'est-ce pas à vous de savoir, que l'Éternel le Dieu d'Israël, a donné le royaume à David sur Israël pour toujours, à lui, dis-je, et à ses fils, par une alliance inviolable ? Mais Jéroboam fils de Nébat, serviteur de Salomon fils de David, s'est élevé, et s'est rebellé contre son seigneur. Et des hommes de néant, imitateurs de la malice du démon se sont assemblés vers lui, ils se sont fortifiés contre Roboam, fils de Salomon, parce que Roboam était un enfant, et de peu de courage, et qu'il ne tint pas ferme devant eux. Et maintenant vous présumez de tenir ferme contre le royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David ? Parce que vous êtes une grande multitude de peuples, et que les veaux d'or, que Jéroboam vous a fait pour être vos dieux, sont avec vous. N'avez-vous pas rejeté les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs à la façon des peuples des autres pays? Tous ceux qui sont venus avec un jeune veau, et avec 7 béliers pour être consacrés, et pour être sacrificateurs de ce qui n'est pas Dieu? Mais quant à nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons point abandonné, et les sacrificateurs qui font le service à l'Éternel, sont enfants d'Aaron, et les Lévites sont employés à leur fonction. Et on fait fumer les holocaustes chaque matin, et chaque soir à l'Éternel, et le parfum des choses aromatiques. Les pains de proposition sont arrangés sur la table pure, et on allume le chandelier d'or avec ses lampes, chaque soir, car nous gardons ce que l'Éternel, notre Dieu veut qu'il soit gardé, mais vous l'avez abandonné. C'est pourquoi, voici, Dieu est avec nous pour être notre chef, et ses sacrificateurs, et les trompettes de retentissement bruyantes pour les faire sonner contre vous. Enfants d'Israël, ne combattez point contre l'Éternel le Dieu de vos pères, car cela ne vous réussira point. Mais Jéroboam fit prendre un détour à une embuscade, afin qu'elle se jetât sur eux par derrière, de sorte que les Israélites, se présentèrent en front à Juda, et l'embuscade était par derrière. Et ceux de Juda regardèrent, et voici, ils avaient la bataille en front et par derrière, et ils s'écrièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Chacun de Juda jetait aussi des cris de joie, et il arriva, comme il jetait des cris de joie, que Dieu frappa Jéroboam et tout Israël, devant Abija et Juda. Et les enfants d'Israël s'enfuirent de devant Juda, parce que Dieu les avait livrés entre leurs mains. Abija donc et son peuple en firent un fort grand carnage, de sorte qu'il tomba d'Israël 500 000 hommes d'élite, blessés à mort. Ainsi les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps-là, et les enfants de Juda furent renforcés, parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel le Dieu de leur père. Et Abija poursuivit Jéroboam, et prit sur lui ses villes, Bethel, et les villes de son ressort, Jézana, et les villes de son ressort, Ephragim, et les villes de son ressort. Et Jéroboam n'eut plus de force durant le temps d'Abija, mais l'Éternel le frappa, et il mourut. Ainsi Abija se fortifia, et prit 14 femmes, et il en eut 22 fils, et 16 filles. Le reste des faits d'Abija, ses actions, et ses paroles sont écrites dans les mémoires d'Ido le prophète.